first note. La guitare. Jar sort de ce corps. We'll be right back. De mettre la basse. morceau qui va certainement disparaître. Today, with me on fire. Mon commandant. I want to try this. Dex. peut-être un peu fort. Mon visage rit. sortir. Si tu veux encore profiter de moi, demain tu verras, on pourra partir. Oubliez tout ça, je garde la foi. Thank you. Thank you. Mm-hmm.